chérie fait que de m'appeler, je réponds pas, y'a du monde à côté. Donne-moi tes tarots. Si t'es pas content, mon pote ira voir le fournisseur d'à côté. Je fais que de compter, recompter, recompter. Bientôt j'aurai même plus besoin d'un comptable. Je compte plus sur les gens, je passe pour un méchant. Je réponds pas, je vais jamais les lécher. Et j'ai des tickets, je compte trois fois mon fric avant de le mettre dans mon fucker. Hola Maria, moi tu me vois la marijuana, mais je peux te proposer une tequila. Aime-moi comme Jessie, Jessie sacré, j'fais du ski. Du ski, glaçon dans le whisky. Oui, oui, la miss me taquine, taquine. Aime-moi comme Jessie, Jessie sacré, j'fais du ski. Du ski, glaçon dans le whisky. Oui, oui, la miss me taquine, taquine. Par la backpack, je connaissais pas la plaque, ils m'ont tout pété. J'ai repris une Lika, c'était pas qu'elle me likait pas. Je rentre dans l'appart sans toquer, parfois ça passe, ça casse, je me suis fait péter. Je repars en bus Canada, le lendemain aller sur le bon coin. Aime-moi comme Jessie, Jessie sacré, je fais du ski, glaçon dans le whisky.